Affaires sensibles, deuxième épisode de notre série sur les aventures malheureuses de certains candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, 1974, Jean Royer, l'un des candidats les plus pittoresques de ce scrutin sous la Ve République. Aux côtés de ténors de la politique comme Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand ou Jacques Chaban-Delmas, cet homme va tenter le tout pour le tout, pour faire entendre sa voix, farouche et dissonante. 36 ans, maire de Tours, de 1959 à 1995, celui qui fut surnommé le père la pudeur se rend célèbre par la croisade qu'il mène contre la pornographie dans les années 70, mais aussi pour son combat pour le petit commerce et l'artisanat. Un candidat qui peut se prévaloir d'avoir touché la France profonde, dont une partie considère les évolutions de la société portées par la gauche comme hautement toxiques, et qui, en Jean Royer, va peut-être trouver le prophète solennel des dames de piété, le Savonarole des boutiques, ou comme l'écrit le journal Libération, l'homme politique de Pierre Bellemare et de Michel Sardou à un pré-fascisme qui sent la frite. Résultat de la cuisson, 3,17% des suffrages. Et cette image de Jean Royer qui restera gravée dans les mémoires, celle d'un homme politique coincé à qui une jeune femme assène l'ultime outrage. En pleine réunion publique, elle écarte son chemisier et lui montre ses seins. Notre invité aujourd'hui, Mathieu Trouvé, historien, maître de conférences en histoire contemporaine à Sciences Po Bordeaux. Ses travaux portent notamment sur l'histoire politique et diplomatique de la Ve République. Il a écrit plusieurs articles sur Jean Royer. Affaires sensibles, l'émission La France Inter, récit documentaire Vincent Lebrun, coordination Christophe Barrère, réalisation Flora Bernard. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le 2 avril 1974, la mort en plein mandat du président Pompidou survient dans un climat de fin de règne. Car depuis longtemps déjà, les candidats à la succession se bousculent sans discrétion, scrutant le visage déformé du président par les médicaments. Chaban, Mitterrand, Giscard, les ténors sont sur les starting blocks. Et parmi les autres, ceux dont on estime qu'ils feront la figuration dans cette campagne, il y a donc Jean Royer, qui n'a pas la dimension des trois autres, tant s'en faut. Et qui s'interroge. L'échéance ne vient-elle pas un peu tôt? Sa notoriété nationale est-elle trop récente pour susciter le désir chez les Français? Hier encore, simple notable local, maire de Tours et député d'Indre-et-Loire, il ne devient ministre que le 3 avril 1973, lorsque Pierre Messmer lui confie le commerce et l'artisanat. Une petite année sous les projecteurs et encore, son ministère n'est pas de ceux qui fabriquent les vedettes de la politique. Voici d'ailleurs comment le JT de 20h le présente au moment où il intègre le gouvernement de Pierre Messmer. C'est un gaulliste convaincu. C'est un passionné, austère, qui se consacre avec le même acharnement au développement de sa ville, Tours, et à la lutte contre la pornographie. Ainsi se présente le nouveau ministre du Commerce et de l'Artisanat, M. Jean Royer, ancien délégué départemental du RPF pour l'Indre-et-Loire. Mais ce gaulliste par le cœur s'est toujours singularisé. Bien que soutenant la Ve République, il n'a jamais voulu adhérer à l'UDR et a toujours siégé sur les bancs de l'Assemblée dans les travées des non-inscrits. Cette attitude lui permettait de conserver sa liberté de parole, une liberté de parole qui le faisait craindre, notamment dans les débats sur le budget, sur l'équipement et surtout sur la construction. En tant que ministre du Commerce et de l'Artisanat, Jean Royer se comporte davantage en leader politique qu'en ministre technicien. Conséquence, à l'occasion du remaniement ministériel de mars 1974, il doit quitter son poste dont il semble se servir pour mener une pré-campagne électorale, ce qui suscite l'inquiétude de la majorité. Messmer lui attribue alors les postes et télécommunications. Royer y voit là encore matière à gagner des soutiens dans une large partie de la population, celle des usagers du téléphone notamment. Certes, la mort de Georges Pompidou l'empêchera de mettre en place son plan de réforme. Mais cette carrière politique aux allures traditionnelles ne suffit pas à expliquer que depuis peu, il songe à un destin national, ou sans le dire, bien sûr, peut-être pour éviter les sarcasmes et les découragements. Lui pense qu'il a des atouts. Monsieur le ministre du téléphone fixe en bakélite est très apprécié des traditionalistes qui aiment son côté réactionnaire sur les questions de société et surtout les commerçants qui voient en lui un allié, un protecteur. Jean Royer, né le 31 octobre 1920 à Nevers, dans une famille modeste d'artisans et d'employés de commerce. Son grand-père paternel est forgeron et serrurier, Son grand-père maternel travaille dans un grand magasin. Quant à son père, il est employé de banque. Chez les Royer, on est catholique, mais sans excès, on ne s'intéresse guère à la politique, par ailleurs, politique considérée comme un monde de combines, de marchandages, de compromissions. On vote, car il s'agit d'un devoir civique, mais on ne milite pas, même pas dans un syndicat. Cette neutralité explique sans doute le fait que Royer, au moment de la Seconde Guerre mondiale, ne prendra pas parti, ni pour Pétain, ni pour la Résistance. Comme beaucoup de Français, il sera attentiste. À partir de 1940, il mène des études d'histoire et suit les cours de l'école normale d'instituteur de Loches, en Indre-et-Loire. Il débute sa carrière dans l'enseignement, instituteur, puis professeur d'histoire, lettres et géo en collège. Il épouse en 1944 Lucienne Bleu, avec qui il aura 5 enfants. C'est en 1946 qu'il se lance en politique. Lui qui pourtant était resté insensible à l'appel du 18 juin est séduit par le discours du général à Bayeux le 16 juin 1946. C'est donc du chef de l'État, élu par un collège électoral qui englobe le Parlement, mais qui le dépasse largement de manière à en faire le président de l'Union française en même temps que celui de la République, c'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif. À lui, la charge d'accorder les nécessités générales concernant le choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du Parlement. En 1948, Jean Royer adhère au RPF, le Rassemblement pour la France créé par De Gaulle. Déçu par son échec aux législatives en 1951, il quitte le RPF, revient à l'enseignement avant de prendre un nouveau goût à la politique lors du retour du général au pouvoir en 1958. S'il se réclame du grand homme, il récuse le parti qui le soutient. Les législatives de 1958 sont pourtant les bonnes. Il est élu au second tour. La conquête du pouvoir a commencé. Au municipal de mars 59, Royer se présente comme un homme nouveau, de droite, certes, mais indépendant. Et il est élu maire de Tours, ville longtemps gérée par la gauche. Au fil des années, il va s'employer à rénover sa ville et gagner ainsi le cœur de ses habitants. Car Jean Royer est avant tout un bâtisseur, menant une politique ambitieuse d'urbanisme. Sous ses différents mandats, la ville va tripler sa surface par une logistique de fusion de communes et d'achat de terrain. Et elle va connaître une belle expansion démographique, passant de 97 000 habitants en 59 à 145 000 en 75. Il fut l'homme du Technopole, l'installation de l'université en plein cœur de la ville et de tant d'autres choses encore. Pour toutes ces réalisations, Jean Royer, qui était surnommé le roi Jean, se félicitait de ce qu'il avait fait pour la ville au lendemain de sa défaite au municipal en 1995. Je continuerai à aider notre ville auprès des ministres et des administrations. Je suis fier d'avoir servi pendant 36 ans une ville dont le territoire est passé de 1350 à 3400 hectares, qui a développé son économie, sa culture, le sport, son patrimoine historique et naturel. Cette ville, je l'ai aimée, servie. Je suis fier de mon action, sans regrets inutiles. Les luttes politiques passent par les victoires et les défaites, avec la volonté de servir au-dessus de tout. De 1959 à 1995, date à laquelle il passe la main au profit du socialiste Jean Germain, Jean Royer est élu à chaque fois avec aisance. En 64, sa rivalité avec Michel Debray, maire de la ville voisine d'Amboise, écarte Tours du statut de capitale de la région centre au profit d'Orléans. Un échec. Mais le reste sera succès, y compris sur le terrain des législatives. De sa première élection comme député en 58 jusqu'à la dernière, en 98, Royer sera parallèlement à ses mandats de maire constamment réélu, excepté une parenthèse entre 73 et 76. En tout cas, un modèle de longévité politique. C'est au début des années 70 qu'il part en croisade. Mai 68 lui a donné de l'urticaire. Et voir que les idéaux de ce mouvement ont irradié toute la société le rend malade. Il se veut alors redresseur de tort. Bien avant Nicolas Sarkozy, qui en avait fait un thème de campagne, il veut solder lui aussi les comptes de cette révolte qu'il trouve permissive et dangereuse pour la France. Royer n'aime pas l'émancipation, notamment celle des corps. Et il part en guerre contre son ennemi principal, la pornographie, comme si ce thème était vital pour l'avenir de la France. Ce combat va construire pourtant sa réputation. Il lui vaudra le surnom peu enviable de « Père la pudeur, pigibon et rétrograde ». Au printemps de 71, il commence sa campagne dans un discours prononcé le 11 mai au Palais des Foires de Tours. Deux événements lui servent de prétexte pour lancer son action. À la suite d'une erreur d'ordinateur, des prospectus pornographiques sont envoyés à 43 000 enfants, ce qui déclenche un scandale, évidemment. De plus, il reçoit de nombreuses plaintes de parents d'élèves qui réagissent contre la publicité qui est faite aux films porno. Royer devient alors le pourfendeur des atteintes au bonheur et à la morale publique. Dans sa ville de Tours, il fait interdire les films porno et même érotiques en application de l'article 283 du Code pénal, qui n'aime pas non plus les choses du sexe. Royer crée un comité de surveillance constitué de conseillers municipaux dont la mission est de voir les films qui leur seront soumis par les directeurs des salles de cinéma de Tours qui, sans vergogne, acceptent de participer à cette censure organisée, préméditée, décomplexée. Et c'est au maire que revient la décision finale. Dans la foulée, Jean Royer cherche à détruire l'Étoile Bleue, une ancienne maison de tolérance, mais là, sans succès. Il s'en explique dans cet archive de l'ERTF datant du 28 mai 71. « Je m'arroge le droit d'empêcher un excès de liberté, car, en fait, le sexe est une affaire individuelle ou une affaire de couple, mais ne doit pas être mis sur la place publique, au point que tous ceux qui, par leur âge, par leurs conditions, ne doivent pas être mêlés à ce genre de publicité, y soient automatiquement mêlés. Et tout cela pour satisfaire un certain nombre d'intérêts de mercantis ou d'exploiteurs de pourriture qu'il faut avoir le cran de combattre. » En mai 71, Jean Royer intervient lors d'un débat à l'Assemblée nationale et demande au ministre de la Culture le contrôle de la diffusion des œuvres pornographiques, le renforcement de la censure et l'interdiction de projeter les bandes-annonces des films interdits aux moins de 18 ans. Une obsession. Et il parvient à rassembler une quarantaine de députés dans cette lutte. Jamais à court d'indignation, il porte plainte contre Jean-Paul Sartre, dont il dit qu'il incite à toutes les libertés sexuelles. Plus précisément, il en veut aux philosophes d'avoir donné la parole aux homosexuels militants qui ont créé le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Et il n'en fallait pas plus pour que la presse et les caricaturistes le présentent comme un chevalier blanc à la tête du cortège des moralistes. Une image qui le suivra bien après la campagne présidentielle de 1974. Un positionnement qui contribue à faire de lui un gaulliste atypique, conservateur, défenseur de la bien-pensance et de la famille traditionnelle, un tenant du glaive et du goupillon. Le 13 décembre 71, l'émission politique à armes égales organise un face-à-face entre l'écrivain Maurice Clavel et Jean Royer sur le thème « Les mœurs, la société française est-elle coupable ?» On s'attend à un combat fleuri moucheté. Mais Clavel, qui présente un petit film d'introduction au débat, se plaint d'avoir été censuré. Et il quitte le plateau avec perte et fracas, théâtral à souhait, ponctuant son geste d'une phrase restée célèbre. Je ne saurais prendre part à un débat qui commence sous le régime de la censure, quelle qu'en soit la victime, moi ou Monsieur Royer. Quant au peuple français, auquel je viens très modestement de lancer un appel au soulèvement de la vie, contre ces espèces de morts que sont la censure et autres fascismes, j'ose, non moins modestement, lui donner rendez-vous pour bientôt, dans la liberté, pour la liberté. Messieurs les censeurs, bonsoir. Le débat n'aura donc pas lieu et le maire de Tours perd ainsi une occasion de s'exprimer en public. Rien de dramatique, juste une saillie de Clavel bien ravigante, face à une télé encore à la solde du pouvoir, pour beaucoup c'est toujours ça de prix. Jean Royer, lui, aura bien d'autres occasions de faire entendre sa voix sur la scène nationale, pense-t-il. Et il a raison. Le 5 avril 1973, il devient ministre du deuxième gouvernement Mesmer sous la présidence de Georges Pompidou. Il obtient le portefeuille du commerce et de l'artisanat. Bon, pas un ministère régalien, comme on dit, mais sa participation au gouvernement, pourtant assez courte, même pas un an, contribue à renforcer sa notoriété. Surtout lorsqu'il fait voter une loi contrôlant l'expansion des grandes surfaces, rapidement appelée « loi Royer », et qui est en partie encore en vigueur aujourd'hui. Voilà comment était présenté ce dispositif dans un reportage de Rhône Actualité du 3 octobre 1973. Comme il fallait s'y attendre, le projet de loi d'orientation du commerce et de l'artisanat suscite de très nombreuses réactions, les unes favorables au projet Royer, les autres défavorables. Ce projet recherche un équilibre entre le monde du commerce traditionnel et les formes modernes de la distribution. Pour parvenir à cet équilibre, le ministre du Commerce préconise un contrôle des implantations de fonds de commerce, contrôle qui serait exercé par des commissions départementales regroupant des urbanistes, des élus locaux et des représentants des consommateurs. Pour M. Royer, il ne s'agit pas d'interdire la création de grandes surfaces, il ne s'agit pas non plus de protéger de façon systématique les petits détaillants, mais simplement d'éviter une expansion désordonnée des hypermarchés. Autre volet important de cette loi, la réforme sur la publicité mensongère, mesure destinée à protéger le consommateur et la création d'un préapprentissage qui permet l'entrée d'enfants de 14 ans dans les entreprises. Car il s'agit bien de revaloriser le travail manuel et de donner ainsi un nouveau souffle à l'artisanat qui s'étiole. Bien, maintenant, pourquoi Jean Royer est-il devenu ministre le 6 avril 1973 ? Sans doute grâce à ses mérites personnels, sa renommée d'urbaniste à Tours, l'éloquence du député également. Mais ce poste du commerce et de l'artisanat, alors qu'on s'attendait dans les milieux politiques à le voir à la construction et au logement, domaine où il a fait ses preuves, eh bien montre que c'est pour l'image qu'il incarne qu'il a été choisi. Lui en tout cas défend sa loi ardemment, comme ici lors d'une interview pour Bretagne Actualité le 8 octobre 1973. Cela veut dire qu'entre petite et grande surface, il faut un équilibre meilleur que celui qui existe actuellement. Dans certaines régions de France, notamment, il faut éviter que la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce n'entraînent l'écrasement des plus petites surfaces et le gaspillage d'équipements commerciaux qui conduirait, si on n'y prenait pas garde, à l'anarchie dans le développement des plus grandes et au monopole des plus puissantes parmi les grandes surfaces. Or, nous ne voulons ni du corporatisme, qui tendrait à établir pour chaque département la carte du commerce, mais qui ruinerait du même coup la concurrence, mais nous ne voulons pas non plus du monopole, qui donnerait simplement aux plus puissants des concurrents commerciaux la disposition du marché. En octobre 1973, l'Express évoque en une le ministre et son armée de 4 millions de commerçants à l'assaut du Parlement. Rien que ça. C'est l'époque où Gérard Nicou, à la tête du CIDNATI, la Confédération Intersyndicale de Défense et d'Union Nationale des Travailleurs Indépendants, ferraille lui aussi pour faire entendre la voix des petits commerçants et des artisans. Jeune cafetier de 26 ans, à mi-chemin du camelot et du tribun, comme le qualifie Le Monde, Nicou est un disciple de Pierre Poujade, homme politique français de la 4e République, lui-même défenseur des petits commerçants et des artisans, férocement anti-parlementaire et chef de file du non-consentement à l'impôt. Ne dédaignant pas d'aller faire le coup de poing pour défendre ses idées, Nicou dit préférer la violence à la lâcheté et il affirme une classe sociale qui ne se défend pas est condamnée à mort. Confiant dans les intentions de Jean Royer, il ne lui signe pas pour autant un chèque en blanc. Et il en profite à l'occasion d'un meeting en septembre 1973 pour tacler le ministre des Finances de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Je crois que M. Royer est un homme très honnête, et je persiste à le croire, mais je pense aussi que c'est un ministre sans ministère et sans pouvoir qui s'est vu complètement défaire son projet par M. Giscard d'Estaing et qu'à partir de là, le projet que les députés vont avoir à discuter, à voter à l'Assemblée nationale en octobre est un projet tronqué qui ne peut satisfaire ni les commerçants ni les artisans. Cette loi est adoptée largement. 302 voix pour, 0 contre. Les socialistes et les communistes s'étant abstenus. Parce qu'il a réussi à la tête de son ministère, Jean Royer se sent pousser des ailes. Devenu entre-temps le 27 février 1974 ministre des PTT, un portefeuille important à l'époque et jusqu'au milieu des années 80, il s'interroge sur son avenir politique. Et bien sûr, la mort de Georges Pompidou le 2 avril lui donne des idées. Il voyage en solitaire, nul ne l'oblige à se taire. il chante la terre, il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre. Il reste le seul volontaire. Puisqu'il n'a plus rien à faire, plus fort qu'une armée entière, il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garer. Affaires sensibles sur France Inter. Le décès du président Pompidou rebat les cartes, évidemment. La bataille pour la prochaine présidentielle démarre aussitôt. Alors, Jean Royer, ira pas, parce qu'il faut choisir maintenant, et vite. Dès le 3 avril, alors que le corps du défunt président est encore chaud, Jacques Chaban-Delmas se met sur les rangs. Tandis que le 5 avril, le comité de liaison des partis signataires du programme commun déclare que François Mitterrand sera le candidat de la gauche. Enfin, le 8, depuis la mairie de Chamalières, le ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing, annonce qu'il est lui aussi candidat à la présidence de la République. Jean Royer réfléchit encore, quelques jours, pas longtemps, et il annonce sa candidature. Pour cadre de sa déclaration, il choisit sa maison de campagne du Bois des Hâtes, à Saint-Avertin. Nous sommes le 11 avril 1974. Je suis candidat à la présidence de la République. Je suis décidé à servir la République et la France dans le respect des institutions, du bien commun et de l'intérêt supérieur de notre pays. Homme libre, totalement indépendant des partis et des groupes d'intérêt, je propose aujourd'hui au peuple français un nouveau style d'action. À 53 ans, Royer se présente avec une image composite, gaulliste, indépendante et conservatrice à la fois. Pour la presse nationale, c'est tour à tour un homme libre, un trouble-fête, un missionnaire, franc-tireur, non-partisan, en un mot commençant une curiosité. En tout cas, il est considéré comme un outsider à droite et risque surtout de prendre des voix à Jacques Chaban-Delmas. Ce qui n'est pas pour déplaire aux 43 gaulo-chiraciens qui se sont déclarés en faveur de Valéry Giscard d'Estaing. Mais il apparaît aussi comme un novice pour une campagne de cette envergure. Constat confirmé par les parrainages qu'il obtient. Les soutiens du candidat montrent en effet un fort tropisme tourangeau. Aucune grande ville parmi les parrainages, sauf en Touraine où, cela dit, il n'y en a qu'une. Tours, sa ville. Rien également du côté de la région parisienne, de la Bretagne, du sud de la France ou encore des Dom-Tom. Jean Royer se lance dans la bataille présidentielle avec comme slogan « Redonner un cœur à la France ». Comme s'il avait le monopole du cœur, si je puis dire. Il reprend les thèmes qu'il avait développés à l'Assemblée nationale. Déclarant aimer l'autorité et l'ordre, il insiste sur la protection de la vie humaine et ce, dès la formation de l'embryon. On l'aura compris, cet homme est farouchement contre l'avortement. Déjà que la pilule n'est pas passée lors de la loi sur la contraception en 67, si en plus on autorise les femmes à ne pas sombrer dans le malheur d'une grossesse non consentie, où va-t-on? Écoutez ce qu'il disait sur la contraception en 1974. Il faut que la contraception, peut-être, certes, au plan féminin, s'exerce par la chimie. Je le veux bien, en m'interrogeant toutefois sur les conséquences à long terme, sur les équilibres biologiques de l'emploi de la pilule. Mais qu'elle commence, et je vais vous faire rire, messieurs, par la contraception masculine, c'est-à-dire par l'effort de maîtrise de soi, qui enrichit le caractère des êtres, qui fortifie leur volonté, et qui nous permet de réellement réaliser la différence entre l'homme et la femme, dont par ailleurs je recommande l'égalité devant la loi et l'égalité devant l'action économique et l'action sociale. Quelques concessions sur ce point, égalité homme-femme, mais dans le domaine de l'éducation et de la culture, comme dans bien d'autres, Royer incarne un esprit conservateur, pourfendeur de mai 68 et de la décadence des mœurs. En matière économique et sociale, il prône la synthèse entre interventionnisme de l'État et libéralisme, mêlant poujadisme, ruralisme et conservatisme, beaucoup de ismes. Sur les questions de politique étrangère, il s'inscrit dans la continuité de la politique gaulliste d'équilibre, de paix et d'indépendance nationale. Cet homme est un syncrétisme politique, de droite. Sa campagne, qui se veut vigoureuse et ardente, sera surtout chaotique, catholique et cathodique. Et surtout fortement chahuté. En raison de ses positions morales rigides, la plupart de ses meetings sont pris d'assaut par des hordes de contestataires. À Rennes, il se heurte à des réactions hostiles de jeunes et de gauchistes aux cris de Royer, Pétain, même combat. Le point culminant de la grogne intervient à Toulouse, où il peine à s'exprimer tandis qu'une femme danse seins nus devant l'estrade, image qui sera reprise dans toute la presse le lendemain et qui lui colle encore un peu à la peau aujourd'hui. Dans la salle, des manifestants scandent le slogan « Une seule solution, la masturbation ». La troisième mesure à prendre serait d'organiser un cycle spécial dans nos lycées afin de préparer mieux à l'entrée dans l'enseignement supérieur. En fait, il faudrait que, à la fin de ce cycle spécial, le baccalauréat puisse être passé en même temps qu'un certain nombre d'autres examens et concours. Tout compte fait, le candidat Royer apparaît comme solitaire dans la campagne pour la présidentielle. Un ovni qu'on moque. Il n'est soutenu par aucune personnalité politique d'envergure, ni par aucun intellectuel, aucun courant sociopolitique fort et organisé. Le maire de Tours se veut indépendant, une attitude qui se paye souvent au prix de la solitude. Et ça, c'est pas bon pour une présidentielle. Sans l'appui d'un parti national, indispensable machine électorale, Royer est tout au plus considéré comme le candidat des artisans et des commerçants. Qui plus est, son positionnement est ambigu. Sa personnalité intrigue la presse, comme l'hebdo Valeurs Actuelles, qui estime dans son édition du 29 avril 1974 que la candidature de Jean Royer échappe aux classifications. C'est le moins qu'on puisse dire. Quant au journal Libération, lui, il le décrit en ces termes cinglants le 17 avril 1974. Royer, c'est pas vraiment le fascisme, juste un début. Exactement ce qu'il faut pour le petit épargnant, pour lui donner l'illusion qu'il peut survivre. C'est le monsieur Yaka. Le messie des petits bourgeois à la dérive. Y'a qu'à les foutre tous dans les camps, y'a qu'à les jeter à la mer, y'a qu'à leur couper les cheveux, y'a qu'à les mettre à l'usine. Royer, c'est l'homme politique de Pierre Bellemare et de Michel Sardou. Un pré-fascisme qui sent la frite. Déjà habillé pour l'hiver, le printemps électoral de M. Royer commence à lui donner un vrai visage de perdant. D'ailleurs, ses derniers jours de campagne ne sont plus qu'un long calvaire. Son discours devient quasiment inaudible. Dans son rapport au ministre de l'Intérieur, le préfet du Rhône écrit « Monsieur Royer aura des voix parmi les commerçants, artisans, retraités, rapatriés, catholiques intégristes, mais sa candidature apparaît de moins en moins sérieuse. Crédité au départ de 7 à 8% dans les sondages, il tombe à 3% au lendemain du meeting de Toulouse. » Le 5 mai a lieu le premier tour de l'élection présidentielle. Royer n'obtient effectivement que 3,17% des voix moins que Jean Lassalle aujourd'hui. Et tellement loin derrière François Mitterrand et ses 43%, Giscard et ses 32%, et Chaban avec 15%. Le vote en faveur de Royer est plutôt rural, concentré autour de la région centre. Ses meilleurs scores sont à Tours, où il obtient plus de 35% des voix, et en Indre-et-Loire, avec près de 34%. Autrement dit, cet homme qui se voulait un destin national reste ancré et circonscrit dans une ville, un département, une misère pour qui voulait gouverner la France, et pas seulement les bords de Loire. Royer n'avait que Tours dans son sac. Son électorat est celui des catholiques, des professions indépendantes, des conservateurs et des réactionnaires de tout poil. En renforçant dans ses discours la partie consacrée aux problèmes moraux, le maire de Tours a considérablement réduit sa base électorale et sa candidature s'en est trouvée marginalisée. Privilégiant l'affrontement à droite entre Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chaban-Delmas, les médias ont cantonné Jean Royer dans un rôle de figurant. Entre les deux tours, sans surprise, il appelle à voter Giscard d'Estaing, qui sera élu président. Mais malgré son score médiocre, Royer aura été une star de la campagne du premier tour, bien que souvent à son corps défendant. Bon client pour les médias, en vertu de son verbe haut, il a été à de nombreuses reprises invité à débattre de sujets de société sur les plateaux de radio ou de télé. On l'a vu notamment au micro de Michel Drucker sur RTL en compagnie de l'actrice Alice Sapritch. Sa croisade anti-porno a contribué à le rendre célèbre dans la France post-68. Et bien que souvent caricaturé par la presse satirique, il fut considéré comme un homme politique charismatique et un ministre populaire, en raison de sa droiture, de son volontarisme et de son indépendance partisane. Les péripéties de sa campagne, souvent chahutées, ont assuré sa publicité. Après la présidentielle de 1974, il tentera bien de capitaliser sur cette exposition médiatique. Mais en dehors d'une nouvelle croisade contre la loi Veil sur la légalisation de l'IVG, il a du mal à rassembler en dehors des organisations catholiques et conservatrices. Volontaire pour assumer des responsabilités ministérielles, il se trouve que le nouveau pouvoir n'en a cure. Royer, pourquoi faire ? Exit Royer, retour à Tours. À la fin des années 90, il revenait sur son échec à la présidentielle dans un reportage de l'édition Centre du 19-20. J'avais une expérience qui me permettait d'avoir l'autorité morale, d'abord, politique ensuite, puisque j'étais parfaitement indépendant, vis-à-vis des Français. Voilà, par quelle première marche j'essayais de monter. La deuxième marche, c'est que j'étais un amoureux de la France, je le suis toujours, et que je voulais, au fond, me donner à fond à elle. Vous n'avez jamais regretté ? Non. Et ça sera aujourd'hui, je le ferai encore. En 1980, de droite jusqu'au bout des ongles, il s'oppose au programme de nationalisation du gouvernement Mauroy et s'étrangle peut-être quand ce même gouvernement, un an plus tard, met fin à la discrimination qui donnait la majorité sexuelle dès 15 ans aux hétéros, mais seulement à 21 pour les homos. Puis on le retrouve en soutien de Raymond Barre en 88, et il fait campagne pour le non en 92 lors du référendum sur le traité de Maastricht aux côtés de Charles Pasqua et de Philippe de Villiers. En 1995, il doit laisser sa place de maire au profit du socialiste Jean Germain. Remarié après le décès de son épouse, avec une femme de 20 ans de moins que lui, Jean Royer se mure alors dans un long silence pour écrire ses mémoires. À la fin de sa vie, il radicalise ses positions, pourtant déjà bien ancrées à droite. Il avoue avoir voté pour Jean-Marie Le Pen à la présidentielle de 2002. Personne ne s'en étonne. Devant un auditoire de fidèles, il s'adonne à son exercice favori de donneur de leçons sur le thème de la civilisation en péril, avec des outrances sur l'avortement et les homosexuels. Il prône par ailleurs le rétablissement de la peine de mort, la séparation à l'école des filles et des garçons, et vilipende Picasso qu'il qualifie d'ordure de style. Monsieur Royer se prétendait visionnaire. Il était surtout un adepte du « c'était mieux avant », mais il arrive que le futur est de l'avenir, sans lui. Atteint de la maladie d'Alzheimer, il s'éteint le 25 mars 2011 à l'âge de 91 ans. Au autrefois quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots. Et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas. Mais aujourd'hui que mon gagne-pain, c'est de parler comme un turlupin, je ne pense plus merde pardi, mais je le dis. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Afin d'amuser la galerie, je crache des gauloiseries, des pleines bouches de mots crus, tout à fait incongrus. Mais en me retrouvant seul sous mon toit, dans ma psyché je me montre au doigt et me crie va te faire homme incorrect, voire parler grec. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Tous les samedis je vais à confesse, m'accuser d'avoir parlé de fesses, et je promets faire mon marabout de les mettre tabous. Mais craignant si je n'en parle plus de finir à l'armée du salut, je remets bientôt sur le tapis les fesses impies. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Ma femme est, soit dit en passant, d'un naturel concupiscent qui l'incite à se coucher nu sous le premier venu. Mais m'est-il permis, soyons sincères, d'en parler au café-concert sans dire qu'elle l'a suraigu le feu au cul. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. J'aurai sans doute du bonheur et peut-être la croix d'honneur à chanter avec décorum l'amour qui mène à Rome. Mais mon ange m'a dit turlututu, chanter l'amour t'es défendu s'il n'éclot pas sur le destin d'une putain. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Et quand j'entonne Guilleret, un patron de cabaret, une adorable bucolique, il est mélancolique et me dit la voix noyée de pleurs, s'il vous plaît de chanter les fleurs, qu'elle pousse au moins rue Blondel dans un bordel. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Chaque soir avant le dîner, à mon balcon mettant le nez, je contemple les bonnes gens dans le soleil couchant. Mais me demandez pas de chanter ça si vous redoutez d'entendre ici que j'aime avoir de mon balcon passer les cons. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Les bonnes âmes d'ici bas, compte ferme qu'à mon trépas, Satan va venir embrocher ce mort mal embouché. Mais veuille le grand Manitou, pour qui le mot n'est rien du tout, admettre en sa Jérusalem à leur blême. Le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Présidentielle 1974, aujourd'hui, Jean Royer. Notre invité, Mathieu Trouvé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, Mathieu Trouvé, maître de conférences en histoire contemporaine à Sciences Po Bordeaux. Vos travaux portent notamment sur l'histoire politique et diplomatique de la Ve République et vous avez écrit plusieurs articles sur Jean Royer. Alors, le récit que vous venez d'entendre, on a fait un portrait libre, avec un regard assumé sur cet homme, Jean Royer. Quel est le vôtre ? Ah, je dirais que Jean Royer, c'est un personnage complexe, votre reportage l'a montré. C'est quelqu'un qui s'est toujours revendiqué du gaullisme, qui est entré en politique comme on entre un petit peu dans les ordres, fin des années 1940, et qui a eu une carrière absolument exceptionnelle, une longévité, si on fait exception de la traversée du désert entre 1953 et 1958, une traversée du désert qu'il a connue. Il a été ensuite de tous les combats politiques, maire de Tours, il a eu une carrière politique près de 50 ans, donc c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Si je devais le définir, je dirais que c'est un gaulliste atypique, c'est ce que j'ai pu écrire notamment, parce qu'il s'est toujours revendiqué du général de Gaulle. Il a revendiqué la figure du général de Gaulle comme une sorte de totem. Mais il a jamais été très proche finalement du pouvoir gaulliste. Il a été ministre un temps de Georges Pompidou, mais une très brève période. Un des éléments très importants qu'on devrait souligner davantage peut-être, c'est justement son entrée en politique en 1947. Car le discours du général de Gaulle de Bayeux, certes, est très important à ses yeux, mais plus encore sans doute celui de Strasbourg et de Lille de 1947, lorsque de Gaulle évoque et recommande la constitution d'un État juste, fort, et appelle à un rassemblement pour la France. Oui. Et à la suite de cela, se crée le RPF, qui est le premier parti gaulliste sous la 4e République, et Jean Royer adhère dès 1947 au RPF. Et je crois que cette période-là, de 47 à 53, où Jean Royer va être plusieurs fois candidat au municipal à Langers, il est aussi candidat aux législatives en 1951, cette période-là est cruciale dans la formation politique de Jean Royer. Qui passe notamment oui. par la probité, parce qu'effectivement, il a été caricaturé, on y reviendra, mais la probité de Jean Royer était un modèle, aucune affaire autour de lui. Il considérait l'exercice de l'État comme quelque chose d'abord de foncièrement honnête, comme le général de Gaulle. Est-ce que cette morale, qui n'est pas un moralisme, cette morale politique-là, a imprégné Jean Royer? Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelqu'un qui est conservateur, très attaché à l'autorité, austère, rigoureux, mais aussi quelqu'un qui a été un homme politique profondément intègre, assez intransigeant avec lui-même, avec les autres, profondément républicain, croyant, catholique, mais pas forcément pratiquant, quelqu'un de charismatique. Alors, les caricatures de Jean Royer dont vous faites allusion ont commencé surtout à la fin des années 60, début des années 70, quand il se lance dans la croisade contre la pornographie. Mais je dirais que jusque dans les années 68-69, jusqu'à cette date, il n'est pas forcément caricaturé comme le père la pudeur ou comme quelqu'un de particulièrement pudibond. On y reviendra. Sa courte carrière ministérielle a été remarquée pour son action pour le commerce et l'artisanat. C'était une affaire très sensible au début des années 70, quand les grands magasins, les grandes enseignes sont arrivées. Il y avait une vraie angoisse auprès des petits commerçants, et j'imagine que cette corporation garde un bon souvenir de lui. Oui, tout à fait. Les journaux de l'époque parlent de Jean Royer, comme vous l'avez souligné dans le reportage, et de son armée de commerçants et d'artisans. C'est vrai que dans le contexte des années 60, avec l'arrivée des supermarchés, des hypermarchés, les grandes surfaces concurrencent les petits commerces, et la loi Royer va rassurer une grande partie de ces classes sociales et de cet électorat potentiel. Et à ce moment-là, Jean Royer se pose comme le défenseur du petit commerce face aux grandes surfaces, et même comme quelqu'un qui va défendre ces villes moyennes, ces petits commerces face au capitalisme d'une certaine manière envahissant qui fait son œuvre. Et à ce moment-là, c'est vrai que cette expérience ministérielle lui confère une notoriété nationale qu'il n'avait pas peut-être jusqu'alors. Mais t'es trouvé, surtout ne quittez pas, bien sûr. On se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Niluferiania, Stabilize. Just tell me. J'ai trouvé, on en arrive, on revient à ce fait de campagne, hein, on s'en souvient, en 74, où au meeting de Toulouse, une jeune femme écarte son corsage et lui montre ses seins. Comment l'a-t-il vécu? Parce que c'était quand même difficile. Et puis il y a aussi, pendant que d'autres manifestants scandaient une seule solution, la masturbation, peut-être une critique contre l'exercice solitaire du pouvoir, sait-on jamais? Oui, alors disons que le chahut de sa campagne, de ses meetings électoraux, commence un petit peu avant. Mmh. Dès les meetings de Rennes, notamment, et puis ensuite à Nancy, où il est accueilli assez froidement, notamment quand il évoque son programme en matière d'ordre moral, de famille, de préservation de la famille, de valeurs traditionnelles. Il est déjà à ce moment-là chahuté pas mal. Donc Toulouse est en quelque sorte le point d'orgue. À chaque fois, d'ailleurs, vous l'avez vu dans le reportage, on l'entend, quand il fait son discours, sa voix est couverte par les manifestants, mais il reste toujours stoïque à dérouler son programme. Et évidemment, après Toulouse, sa campagne est devenu quasiment inaudible, car à chaque fois, évidemment, il apparaissait comme le candidat de l'ordre moral, de la lutte des catholiques traditionnels, contre les évolutions sociales de l'époque. C'est un petit peu le candidat de l'anti-mai 68, Jean Royer, celui qui n'a pas vu, n'a pas su percevoir non plus les évolutions sociales en cours. Il est contre l'avortement, il est quelqu'un qui est très très conservateur, mais à chaque fois il est resté imperturbable face aux critiques, défendant toujours sa ligne. Est-ce qu'on sait comment il l'a vécu intimement? Est-ce qu'il s'est déjà confié en détail sur cette période-là? Parce que quand on le voyait, on se disait tout de même, être candidat à une présidentielle, ça peut être une aventure douloureuse, violente. Oui, c'est particulièrement violent. Le fait qu'il soit présenté comme le père la pudeur, qui est une expression qui n'a pas été inventée pour lui, hein. Le père la pudeur, c'était le nom qui était affublé au sénateur René Béranger, qui était un sénateur de la Troisième République, qui lui-même avait été à l'origine d'une loi visant à faire respecter les bonnes mœurs et à réglementer la prostitution au début du XXe siècle. Et cette expression père la pudeur, elle revient pour Jean Royer. Je crois que c'est quelque chose qui a certainement dû le heurter, hein. On ne peut pas rester insensible face à des critiques de telle envergure. Mais je dirais que c'est aussi ce qui lui a permis d'exister sur le plan médiatique. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a eu, vous l'avez dit, un faible résultat à l'élection présidentielle, mais qui est inversement proportionnel à sa présence dans les médias. Mmh. Et donc, et à son positionnement politique, du coup, s'est retrouvé affecté par cela. Alors, intimement, j'ai eu l'occasion d'entretenir une correspondance avec lui de son vivant. Il n'en a jamais parlé. Il a écrit un ou deux livres où il raconte un petit peu sa campagne. Il l'a jamais avoué, je dirais, mais forcément, c'est quelque chose d'assez violent. Ça reste néanmoins toujours bon enfant. Je crois qu'il faut aussi rajouter une chose, c'est qu'il y a le meeting de Toulouse et puis il y a ensuite son dernier meeting, qui est celui de la porte de Versailles à Paris, son tout dernier meeting, qui lui est marqué par des heurts plutôt violents, là pour le coup, en dehors de la salle, avec toute une frange de gaullistes, de trotskistes qui manifestent, et il y a des voitures cassées, il y a des dégâts matériels, ça se passe en dehors de la salle, mais ça a été beaucoup plus violent, et ça a marqué peut-être davantage une rupture aussi dans sa campagne. Jean Royer montre, il est l'un des premiers à montrer qu'on peut avoir des ambitions. Après tout, il était ministre, il aurait peut-être été compétent, hein, la question n'est pas là. Mais il est l'un des premiers à montrer qu'aller seul, sans parti, dans une campagne électorale présidentielle, le seul contre-exemple, et quel contre-exemple, étant Emmanuel Macron, qui n'a pas un énorme parti structuré en 2017. Il montre, Jean Royer, qu'une aventure solitaire dans une campagne, c'est une impasse, quoi. C'est très compliqué d'être candidat quand on n'a pas un soutien partisan ou au moins un soutien d'une force sociale ou en tout cas d'une base militante forte. Ce n'était pas le cas, en effet, de Jean Royer. Jean Royer n'avait pas de parti, était entouré de très peu d'hommes politiques, il était solitaire, il a assumé cette solitude en politique, il a reçu le soutien de Jacques Izorni, qui était l'ancien avocat de Pétain, il a reçu le soutien du colonel Rémy, un ancien résistant membre du RPF, c'était tout à fait anecdotique. Il a toujours été extrêmement seul, et d'ailleurs, sa campagne, le QG de campagne, il avait une antenne à Paris, mais l'essentiel se déroulait depuis la ville de Tours, dont il est maire à ce moment-là en 74, et il est relativement isolé. Il y a un très fort tropisme tourangeau. Ses parrainages, ou plutôt ses présentations, comme on disait en 74, sont essentiellement celles d'élus de la Touraine et de la région Centre. Donc, il manque de base politique solide pour faire une campagne avec une envergure nationale. Mmh. C'est vrai que son passage au ministère de l'Artisanat et du Commerce lui a offert une sorte de strapontin politique national, mais sans véritable soutien d'une machine électorale partisane, on ne peut pas mener une campagne d'une telle envergure en 74, a fortiori au moment où la médiatisation de la campagne est très forte, puisqu'on a quand même des candidats, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand qui est le candidat d'Union La Gauche, Jacques Chaban-Delmas, donc tout cela évidemment est un point faible de la campagne de Jean Royer. Alors cette campagne 74, justement, elle est très intéressante parce qu'on entre dans la modernité politique avec les médias, une certaine intimité qu'on découvre des candidats, un premier débat présidentiel, hein, un premier débat de très haute qualité entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, une joute intellectuelle, vraiment la barre était très très très très haute. Quel souvenir peut-on garder de cette campagne de 1974 avec des grandes stars aussi, évidemment François Mitterrand, Jacques Chaban-Delmas et Valéry Giscard d'Estaing qui fait une campagne de positionnement assez génial, hein. Il se place dans la perspective d'une France qui en a un peu marre du gaullisme poussiéreux, mais qui n'est pas prête à l'aventure socialiste. Elle est passionnante, cette campagne. Cette campagne est d'autant plus passionnante qu'on a un candidat unique de la gauche, vous l'avez dit, et qu'on a à droite un affrontement finalement assez fratricide entre Giscard d'Estaing et Jacques Chaban-Delmas. Et il y a un véritable suspense pour le deuxième tour, pour savoir qui sera face à François Mitterrand. Et on a, alors pour le coup, Jean Royer, si je reviens à lui, un homme politique qui va avoir du mal à se positionner justement parmi les candidats de la droite. Forcément. Et qui ne va pas, qui ne va pas trouver son espace politique entre Giscard, Chaban, et puis il ne faut pas oublier non plus Jean-Marie Le Pen, dont c'est la première campagne en 1974. Donc le positionnement de Jean Royer est particulièrement difficile dans ce trio à droite et à l'extrême droite. Et cette campagne, évidemment, est absolument passionnante sur le plan de débat des idées, sur le plan aussi... du casting aussi. Voilà. Du casting également. Et ça sera le mot de la fin, Mathieu, trouvé, parce qu'on arrive vraiment à la fin de cette émission. Et je vous informe, comme les auditeurs, que demain nous continuerons dans les souvenirs de l'histoire politique de la Ve République avec Édouard Balladur, qui faisait partie de ces champions d'automne et qui ont été battus au printemps. Merci infiniment. Au revoir. Merci Fabrice Douel. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Jean Royer, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmaz.